Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va commencer l'année avec deux études insolites en sciences humaines, toutes deux publiées par des équipes de recherche canadiennes. La première montre que le consommateur ne se comporte pas pareil si les billets qu'il a dans son porte-monnaie sont usés, sales ou s'ils sont neufs. Oui, et c'est une étude sérieuse qui nous vient du professeur Theodore Nosworthy du département des études du marketing et de la consommation de l'Université de Guelph et du professeur Fabricio Di Muro du département administration et affaires de l'Université de Winnipeg. Alors, et l'étude doit paraître prochainement dans la revue Journal of Consumer Research. Alors, ces chercheurs ont voulu voir si des billets neufs ou usés étaient dépensés de la même manière. Pour ça, ils ont recruté des volontaires, ils leur ont donné des billets neufs ou vieux et ils leur ont dit, dépensez-les comme vous le voulez. Et qu'est-ce qu'ils ont acheté? Eh bien, les billets vieux se dépensent plus facilement que les billets neufs. Donc, non seulement les gens dépensent plus quand ils ont des billets vieux dans leurs mains, mais en plus, leurs achats sont moins utiles, sont plus aventureux. C'est comme si, en fait, en quelque sorte, ils cherchaient à se débarrasser de leurs vieux billets. Okay. Donc, les auteurs expliquent ce comportement par une aversion pour la saleté des vieux billets. Donc, ces billets ont été manipulés par d'autres personnes. Peut-être qu'ils ont même été contaminés par d'autres. Alors, il faut s'en débarrasser et on hésite moins à les dépenser. Bon, c'est une explication somme toute hypothétique. Ouais. À l'inverse, il y a une certaine fierté à avoir des billets neufs. Puis c'est vrai d'ailleurs que quand on va au distributeur et puis qu'on a un billet neuf ou même quand on a des fois dans les mains une pièce rutilante toute brillante, on fait une petite remarque. Oh, mon billet est tout neuf. On fait une petite remarque. Oh, ma pièce elle brille. Et donc là il y a une certaine fierté à avoir des billets neufs. Et dans certaines situations sociales, pour impressionner les gens, la fierté d'avoir de l'argent neuf va inciter un autre comportement différent de celui dont je parlais tantôt. Donc, par exemple, s'ils doivent payer quelque chose à 20 $, ils vont préférer sortir et exhiber 4 billets de 5 $ flambant neuf plutôt qu'un vieux billet de 20 $ usé. Mm-hmm. Donc, c'est comme si le fait d'avoir des billets neufs était une forme de richesse ostentatoire, en quelque sorte. Mm-hmm. En fait, c'est toujours une question d'image, finalement. Ouais, hein? Ouais. Alors, c'est comme si un billet, en fait, de 5 $ neuf n'avait pas la même valeur qu'un vieux billet. En fait, oui, c'est ça. On affiche une certaine richesse à travers ce billet. Ouais. Ce billet, c'est un peu étrange. Ouais. Donc, ça suggère effectivement que l'argent n'est pas seulement qu'un moyen de paiement. C'est pas seulement un moyen de consommation, mais c'est un produit en lui-même. Donc, au-delà, comme tu le disais, là, au-delà du chiffre qui est marqué dessus, on accorde une certaine valeur à nos billets, donc le billet neuf a plus de valeur que le billet vieux. Et puis pour en revenir à la première observation, le fait que les gens sont plus dépensiers quand ils ont des billets neufs que des billets vieux, ça veut dire que consommer la population et donc de faire tourner l'économie, finalement, c'est de laisser les vieux billets en circulation plutôt que d'en réimprimer des neufs. Et puis, dans ce cas, on peut se demander ce qui va se passer avec les billets en polymère qui viennent d'être lancés. Ils sont extrêmement magnifiques, là, en fait. Oui, c'est vrai, ils sont tout lisses aussi. Et je pense qu'ils peuvent difficilement vieillir, en plus. Là. C'est ça, exactement. Ils peuvent difficilement vieillir. Alors, selon cette hypothèse-là, ça va peut-être moins inciter à consommation. Si, d'après cette observation, les billets vieux incitent un peu plus. On veut s'en débarrasser. Les gens vont vouloir les garder. C'est ça, exactement. Donc, on va voir ce que ça va inciter comme comportement. Oui, peut-être que ça aura un impact négatif sur l'économie, finalement. Un petit impact. Oui, c'est ça. C'est dommage, en fait, qu'il n'ait pas étendu leur recherche pour comparer le comportement des gens qui paient en argent versus ceux qui paient avec carte de crédit, oui, en argent électronique. J'aurais mis ça aussi que c'est ça, exactement. On couvre cet aspect-là. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ça ferait intervenir un autre effet parce que avec la carte, on ne voit pas l'argent. Avec une carte de débit là, ou de crédit, on ne voit pas l'argent. Tout à fait. Alors, c'est encore plus incitatif comme à dépenser que de l'argent qu'on a dans les poches. On le voit qu'on perd là, notre argent. Oui. Et même s'il est beau. Oui, c'est ça. Alors, dans l'autre étude dont tu vas nous parler, les questions de mois de naissance et d'avenir professionnel. Ça ressemble à de l'astrologie plus qu'à de la science, mais j'imagine que tu ne vas pas nous parler d'astrologie. Non, effectivement, ce n'est pas vraiment la bonne émission pour ça, je pense. Et c'est également une étude sérieuse qui a été menée par des chercheurs de la Sawyer School of Business de l'Université de Colombie-Britannique et qui a été publiée en décembre dans la revue Economics Letters. Donc, cette étude suggère que les bébés nés en été ont moins de chances d'atteindre les postes de haute direction que les bébés nés à d'autres moments dans l'année. Alors, pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont pris 500 hauts dirigeants et ils ont regardé leur date de naissance. Et ils ont déterminé le pourcentage de naissance par mois. Donc, combien il y a de personnes, de hauts dirigeants, le pourcentage de hauts dirigeants qui est né en janvier, en février, mars, et etc. Et il se trouve que pour les mois d'été, donc en juin et juillet, il y a 6% des hauts dirigeants qui sont nés en juillet. C'est ça, en juillet. 6% qui sont nés en juin. C'est pas beaucoup, ça, parce que la moyenne serait à peu près 8, là. Ben, 10% divisé par 12. Ouais, 100% divisé par 12. Ouais, c'est ça. Et donc c'est ça, c'est un petit peu en dessous de la moyenne. Et par contre, quand on regarde en avril, c'est presque 11%. Et en mars, c'est 12,5%. Donc là, on passe du simple double entre le printemps, là, mars-avril, le printemps et puis l'été, ça passe du simple au double. Et quelle est l'explication avancée par les chercheurs? Ben là, il ne faut pas y voir une question d'alignement de planètes ou de quelconque phénomène céleste. D'après les auteurs, c'est tout simplement à cause des dates butoirs d'inscription des élèves dans les petites classes. Bon, alors là, ça se passe aux États-Unis, donc je ne sais pas exactement comment... même au Canada, en fait, je ne sais pas quelle est la date. Là, je sais qu'en France, c'est telle date, je ne me souviens plus. Je pense que c'est début de l'année, janvier. Donc, les gens qui sont nés en janvier sont les plus vieux, puis ceux qui sont nés en décembre sont les aînés, mais sont les cadets. Mais aux États-Unis, je ne sais pas quelle est cette date-là. Mais d'après les auteurs, il se trouve que dans le système américain, les élèves nés en été sont les plus jeunes de la classe et sont plus jeunes que ceux qui sont nés au printemps. Donc, pour une même cohorte, dans une même classe. Et à cet âge-là, mettons, au primaire, là, à, je ne sais pas, 7, 8 ans, 10 mois, c'est quand même assez considérable sur le développement d'un enfant. 10 mois sur un total de 7 ans, c'est quand même considérable. Donc, c'est quelques mois de développement en plus chez un jeune au primaire. Ça peut faire une différence sur le développement intellectuel. Bon, c'est l'hypothèse des auteurs. Et la confiance en soi aussi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ils tendent à mieux réussir. Comme ils réussissent mieux, les enseignants leur confient parfois des rôles de leadership. Ou alors, comme tu disais, ils ont plus d'assurance, donc ces jeunes-là vont prendre d'eux-mêmes ces rôles de leadership. Et ensuite, de classe en classe, vu qu'ils en ont déjà pris quelques-uns dans les petites classes, ils vont en prendre d'autres dans les classes supérieures et ils vont continuer à développer des aptitudes qui vont s'amplifier tout au long de leur vie. Et donc, les auteurs en concluent que l'inscription des élèves, selon leur date de naissance, risque finalement d'exclure les plus jeunes, là, les cadets de la classe, à des postes de direction. Mm-hmm. Bon, je pense qu'il faut prendre cette étude avec des pincettes. On s'entend qu'il y a bien d'autres facteurs que le mois de naissance qui vont faire qu'un enfant va réussir à l'école et qui va développer des aptitudes de leadership. Tous les facteurs sociaux, etc. Donc, il y en aurait toute une pléthore. Donc, je pense qu'il faut... Il y aurait probablement d'autres réformes ou changements à faire à l'école avant que de revoir la modalité d'inscription des élèves. Mais j'ai trouvé que c'était quand même curieux comme, comme étude. Oui, c'est un fait. En fait, les deux nouvelles étaient effectivement de bons exemples pour montrer la vastitude des disciplines scientifiques, mais aussi des facettes inattendues de la science. Et ce qui est attendu maintenant, c'est la pause musicale que nous allons vous offrir sur CKRL au 89.1.